café en français. La grenouille et le bœuf. Il était une fois un groupe de grenouilles qui vivaient dans un bel étang. Les grenouilles étaient heureuses de vivre ensemble. Elles jouaient ensemble et s'entraidaient pour tout. Cependant, elles n'étaient pas toutes pareilles. Une des grenouilles était la plus fine. Elle pouvait bondir sur les plus grands rochers. Une autre était la plus rapide. Elle pouvait attraper des mouches avant même que quelqu'un n'ait pu les voir. Et puis, il y avait Max. C'était la plus grosse des grenouilles. Tous les jours, Max mangeait plus d'une douzaine de mouches et insectes pour son repas. Les autres grenouilles avaient toujours peur de lui à cause de sa taille. Mais Max aimait l'attention. Il se sentait fier de sa taille et se moquait souvent des petites grenouilles. Oh, mais dis-moi, tu peux bondir sur les plus grands rochers, ce qui signifie que tu peux t'enfuir plus facilement des animaux plus gros que toi lorsqu'ils t'attaquent. C'est bien. Je n'ai pas besoin de cette habileté. Personne n'est aussi grand que moi. Tu penses vraiment que personne n'est aussi grand que toi, Max? Comment le savons-nous? Puisque l'étang s'étendait jusque dans la forêt, les animaux n'avaient pas besoin de passer par ici pour s'hydrater. Et donc tout le monde pensait que Max était en effet le plus gros de la planète. Max était heureux de penser ça aussi. Quelle chance j'ai d'être le plus gros! Max avait 4 petits-enfants. Il jouait toujours près de l'étang avec les autres grenouilles. Hé, allons jouer au-delà de cet arbre. Il y a plein de grandes pierres là-bas. Oh, je ne préfère pas. Maman m'a dit de jouer de ce côté de l'étang, c'est tout. Oh, allez, mon papa est la plus importante de toutes les créatures. Ne t'inquiète pas, nous l'appellerons s'il y a un problème. Je ne sais pas. Maman risque de se fâcher. Ne t'inquiète pas. Si elle te dit quoi que ce soit, nous demanderons à mon papa de lui parler. Elle ne te grondera plus après. Ok, allons-y. Sans perdre une minute, tous les enfants bondirent de l'autre côté de l'étang, au-delà du grand arbre. Ils étaient surpris de voir un autre petit étang sous le grand arbre. Oh, regardez ça. Vous voyez ça? Il y a un autre étang ici. Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul étang sur cette planète. Oh, nous ne devrions pas penser ça. Il y a beaucoup de choses que nos yeux ne peuvent pas voir. C'est une grande planète. Tu vas continuer à parler encore longtemps? Jouons! Les grenouilles sautèrent sur la plus haute pierre et l'une après l'autre sautèrent dans l'étang accompagnées d'un grand plouf. Soudain, le sol se mit à trembler. Oh non! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le sol tremble? Oh! Nous n'aurions jamais dû sortir de l'étang! On va mourir! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Les enfants étaient terrifiés lorsqu'ils virent une étrange créature marcher vers l'étang. Elle était aussi grande que la plus haute des pierres. Son ventre bougeait à chaque pas qu'elle faisait. Elle faisait beaucoup de bruit. Les enfants bondirent précipitamment sur les pierres pour rentrer chez eux. Mais dans leur hâte, la petite grenouille rouge glissa et tomba dans l'étang. Oh non! Attendez! Sors! Elle va te manger! Qu'est-ce que tout ce remue-ménage? Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu avant. Oh! S'il vous plaît, grande créature! S'il vous plaît, ne nous mangez pas! Quoi? Vous mangez? Pourquoi diable voudrais-je vous manger? Je suis seulement là pour boire de l'eau. Oh, ça signifie que vous n'allez pas nous attaquer? Oh non! Je ne mange pas les grenouilles! Alors, que mangez-vous? Comment avez-vous fait pour être aussi gros? Mon papa mange tellement d'insectes en une journée! Et pourtant, il ne fait même pas la moitié de votre taille! Ton papa? Tu veux dire une grenouille? Il ne pourra jamais être aussi gros que moi. Je suis né à cette taille. Chaque animal a sa propre taille. Vous voulez dire qu'il y a d'autres animaux plus gros que vous? Bien sûr! Les enfants étaient surpris d'entendre que d'autres animaux étaient encore plus gros que le bœuf lui-même. Ils restèrent assis là pendant des heures à écouter les histoires des autres animaux. Puis, la nuit tomba et ils durent dire au revoir à leur nouvel ami. Rentre vite à la maison. J'ai tellement de choses à dire à papa. Oui, allons-y. Tous les enfants allèrent voir Max et lui racontèrent toute l'histoire. Les histoires étaient tellement intéressantes que toutes les grenouilles s'étaient réunies pour les écouter. Oh, mes petits innocents! Venez-vous de dire que ce monsieur bœuf que vous avez vu était plus gros que moi? Pas que ça, papa. Il a dit qu'il y avait d'autres animaux encore plus gros que lui. Et ils vont tous dans cet étang là-bas pour boire de l'eau. Oui, oui. Et il a aussi dit que tu ne pourrais jamais être aussi gros que lui. Bon, c'est fou. Comment est-ce que quelqu'un peut être aussi gros que moi? Il vous a dupé. Il a dû se gonfler pour vous faire croire à ses mensonges. C'est un menteur. C'est peut-être vrai, Max. Je parle toujours avec les oiseaux qui viennent boire l'eau ici. J'ai entendu des histoires sur les autres animaux de leur part. Ce sera notre plus grande erreur de penser que nous sommes les meilleurs. Bon, c'est votre plus grande erreur, pas la mienne. Je suis la plus grosse créature sur cette planète. Et c'est un fait. Pourquoi ne pas attendre jusqu'au matin et voir par vous-même? Les enfants ont dit que ces énormes animaux y venaient pour boire de l'eau. Nous irons demain et découvrirons la vérité. La foule accepta, mais Max était furieux. Il devait prouver qu'il était le plus grand de tous. Sinon, pensait-il, personne ne le respecterait plus jamais. Non, décidons de ça maintenant. Personne ne dupera mes enfants. Que Monsieur Bœuf pensa qu'il pourrait s'en tirer avec ses mensonges. Comment ose-t-il dire que je ne pourrai jamais être aussi gros que lui? Max étendit son dos et se mit droit. Puis, il gonfla son estomac. Il devint plus gros. Alors, était-il aussi gros que ça? Non, plus gros, papa. Max gonfla un peu plus son ventre. Aussi gros que ça? Non, plus gros. Max, tu n'as pas besoin de faire ça. Chaque animal a une compétence différente. Je suis sûr qu'avec sa taille, Monsieur Bœuf ne pourra jamais sauter comme nous. Oui, Max, tu dois t'arrêter. Tu vas te faire mal. Mais Max n'était pas prêt à renoncer. Il ne pouvait pas attendre le conseil de ses amis. Il ne pouvait qu'entendre « aussi gros qu'un bœuf ». Et c'est ce qu'il voulait devenir. Ignorant tout le monde, il gonfla un peu plus son ventre. Est-il aussi gros que ça? Non, papa, plus gros. Désormais, le dos de Max craquait et il gonfla un peu plus. Est-il aussi gros que ça? Plus gros! Le visage de Max devint bleu et il se plia un peu plus. Ses yeux étaient exorbités. Est-il aussi gros que ça? Max, stop! Tu te fais du mal! Dites-moi, était-il aussi gros que ça? Non, papa, plus gros! La grenouille avait raison. Max avait mal. Son dos était tendu, ses yeux étaient exorbités et son ventre lui faisait mal avec le gonflement. Mais il n'abandonna pas. Il devait prouver qu'il était en effet le plus gros de tous. Il prit une profonde inspiration et gonfla un peu plus. Est-il aussi gros que... Non, papa! Non, papa! Non, papa! Non, papa! Mais il était trop tard. L'estomac de Max avait explosé. Il avait dépassé les capacités physiques de son corps. Ses enfants pleuraient et pleuraient. Tout le monde était triste. Max, mon ami, si seulement tu nous avais écoutés. Nous sommes tous gros à notre façon. N'essayez jamais de devenir quelqu'un d'autre.